الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لون شاء الله سبحانه وتعالى de nous avoir comblé de ce grand bienfait qui est le fait de se rencontrer dans l'une des maisons d'Allah سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، لا زال الحديث مع السنة، لأن أمر السنة أمره أمر عظيم، فمخالفة السنة ليس بالأمر الهين، والله سبحانه وتعالى عجل العقوبة لمن يرد السنة ويستهزئ بها. والله سبحانه وتعالى notre sujet, nous continuons à parler de notre sujet qui est très important dans la vie du musulman. Il concerne la sunna du messager alayhi salatu wassalam. La sunna du prophète alayhi salatu wassalam, c'est la religion d'Allah. Et la religion d'Allah ne peut s'accomplir sans la sunna. Et Allah subhanahu wa ta'ala a puni dans ce bas monde avant l'au-delà ceux qui rejettent la sunna ou ceux qui se moquent de la sunna. Et ils ont eu certains ont eu leur punition ici dans ce bas monde avant l'au-delà. فعن ومن الأمثلة على ذلك عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، فقال الرجل لا أستطيع، قال صلى الله عليه وسلم لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فما رفعهما إلى فيه، رواه الإمام مسلم. وعن أبي يحيى الشاجي قال كنا نمشي في أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين في طريقهم لطلب العلم، فأسرعت المشي وكان معهم رجل ماجن في دينه، فقال ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها، كالمستهزئ، قال كالمستهزئ، فما زال في موضعه حتى جفت رجلاه وسقط على الأرض. وهذا ذكره النووي رحمه الله في بستان العارفين. وقال ابن حجر عن بعض المحدثين أنه رحل إلى دمشق لأخذ الحديث عن شيخ مشهور بدمشق، فقرأ عليه جملة لكنه كان يجعل بينه وبينه حجابا ولم ير وجهه، فلما طالت ملازمته له ورأى حرصه على الحديث كشف له الستر، فرأى وجهه وجه حمار، فقال له احذر يا بني أن تسبق الإمام، فإني لما مر بي في الحديث استبعدت وقوعه فسبقت الإمام فصار وجهي كما ترى. وهذا ذكره صاحب فتح الملهم شرح صحيح مسلم من الهنود، واسمه أحمد العثماني رحمه الله. فإن الله سبحانه وتعالى parmi les hadiths qui nous rapportent comment Allah subhanahu wa ta'ala s'est occupé et comment il a puni ceux qui dénigrent la sunna ou qui la rejettent, nous avons le hadith de Salama ibn al-Akwa. Un homme a mangé avec le messager alayhi salatu wassalam avec sa main gauche. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit mange avec ta main droite. L'homme de répondre je ne peux pas. Le messager d'Allah a fait un dua contre lui. Puis il a dit alayhi salatu wassalam c'est l'orgueil qu'il a empêché de manger avec sa droite. Salam a dit, radiyallahu anhu arda, l'homme n'a pas pu lever sa main vers sa bouche. Le hadith il est rapporté par Muslim. Et dans le Athar rapporté par Nawawi rahimahullah, dans Bustan al-Arifin, selon Abi Yahya al-Saji, rahimahumullahu jami'an, qui a dit, nous marchions dans les ruelles de Basra pour aller chez un muhaddith. C'est-à-dire, ils sont sur le chemin de la quête de la science. Et quand on est sur le chemin de la quête de la science, les anges étalent leurs ailes. Hein? Et j'ai accéléré le pas, et parmi eux, il y avait un homme immoral, très léger dans sa religion, qui a dit « Relevez vos pieds pour ne pas casser les ailes des anges ». Il a dit cela par moquerie, en se moquant. Il n'a pas bougé de sa place, ses pieds ont été paralysés, il est tombé par terre. Et selon Ibn Hajar, rahimahullah, qu'il rapporte de certains savants du hadith, un homme est parti à Damas pour la quête du hadith, donc pour la quête de la science, chez un savant qui était réputé à Damas. Et il a pris de lui beaucoup de hadith. Il est resté très longtemps. Mais ce savant lui a enseigné le hadith derrière un voile. Jamais il a vu le savant. Il entend juste sa voix. Et comme il est resté très longtemps auprès de lui, et que ce savant du hadith a vu que ce jeune étudiant tenait à l'acquisition de la science et du hadith, un jour il a retiré le voile qui les sépare. Et là, le jeune étudiant a vu le visage du savant était un visage d'âne. Le savant lui a dit, fais attention fiston, ne devance jamais l'imam, compte, ne devance jamais l'imam. Il lui a dit, quand j'ai lu ce hadith qui interdit de devancer l'imam, j'ai rejeté la réalisation de celui-ci. Et j'ai devancé l'imam et mon visage est devenu ce que tu vois. Cela est cité par celui, un des hindous, qui a interprété aussi l'authentique du muslim, qui le remonte à Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, jami'an. Fa, se moquer de la sunna du prophète, alayhi salam, ou la rejeter, c'est quelque chose de grave. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné aussi que quand on se réveille le matin, on se lave les mains trois fois avant de les mettre dans un récipient. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit pourquoi ? Il a dit parce que quelqu'un parmi vous ne sait pas où sa main a triné durant la nuit. Quelqu'un a dit, quand il a entendu ce hadith, il a dit moi je sais où ma main a été dans la nuit. Le lendemain matin, il a retrouvé sa main dans son anus, coincé dedans. Et ça, et les modèles, les exemples dans cela sont nombreux. Fa min wanata'ammal ikhwat al-islam. An nata'ammal ma jara li hadha as-sahabi al-jalil. Alladhi kharaja ila ghazwati Tabuk. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح البخاري في حديث طويل في باب الزكاة والشاهد منه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال فلما أتينا تبوك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد ومن كان معه بعير فليعقله فعقلناها وهبت ريح شديدة فقام رجل فألقته بجبل طي. Et nous avons à méditer ce qui est arrivé à ce compagnon de Allah alayhim qui était en compagnie du messager alayhi lors de la bataille de Tabouk face au nord de l'Arabie. Le messager d'Allah a dit quand ils sont arrivés au campement, le messager d'Allah a dit comme cela est relaté dans ce hadith authentique chez l'imam Bukhari, le hadith il est très long. Il est dans le chapitre du zakat, mais le point de témoignage pour nous ici, c'est selon Abi Humayd Sa'idi, qui a dit, quand nous sommes arrivés à Tabouk, du recampement, le messager d'Allah a dit, cette nuit, un vent très fort va souffler. Personne ne doit être debout. Et celui qui a un dromadaire, qui l'attache, il l'assoit par terre. Le vent a soufflé, comme il a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Un homme s'est levé. Le vent l'a jeté de la jeté de Tabouk. Il l'a envoyé vers la montagne de Taï, là-bas vers le Hadramaut au Yémen. Hein? Walana an nata'ammala ikhwat al-islam. أقوال سلفنا الصالح وما قالوه في اتباع السنة وتعظيمها والتمسك بها فيما جاء فيما نقل العلامة ابن برجس رحمه الله تعالى العبد الكريم في كتابه الاهتمام بالسنن النبوية. روى الدارمي في سننه في باب اتباع السنة عن يونس بن يزيد عن الزهري قال: كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. وروى المروزي في كتاب السنة عن هشام بن عروة عن أبيه رحمه الله قال: السنن السنن، فإن السنن قوام الدين. وأخرج ابن نعيم وأخرج أبو نعيم في الحلية عن الأوزاعي أنه قال: كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المسجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. وأخرج الدارمي في سننه عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن الديلمي رحمهم الله جميعا قال: بلغني أن أول ذهاب الدين ترك السنن، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة، أي كلما حلت ضفائر الحبل حلت قوته ونقص قوته، وهكذا كلما ذهبت سنة الإنسان كلما نقص دينه. وأخرج المروزي في السنة عن عبد الله بن عون أنه قال: ثلاث أرضاها لنفسي ولإخواني: أن ينظر هذا الرجل المسلم القرآن فيتعلمه ويقرأه ويتدبره وينظر فيه. الثانية: أن ينظر ذاك الأثر والسنة فيسأل عنه ويتبعه جهده. والثالثة: أن يدع الناس إلا من خير. وأخرج اللكائي في شرح اعتقاد أهل الحديث عن الفضيل بن عياض أنه قال: إن لله عبادا يحيي بهم البلاد وهم أصحاب السنة. وأخرج البيهقي رحمه الله من طريق مالك رحمة الله عليهم جميعا أن رجاء حدثه أن عبد الله بن عمر كان يتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم آثاره وحاله ويهتم به حتى كان قد خيف على عقله من اهتمامه بذلك. كان رضي الله عنه يذهب إلى المواطن التي كان يبول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم يبول فيها، وكانت هناك شجرة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمر منحنيا من تحتها، فكان ما بعد أن قطعت الشجرة ينحني ويمر هكذا رضي الله عنه وأرضاه. Et comme dit frère en Allah subhanahu wa ta'ala, les paroles et les conseils de nos pieux prédécesseurs d'Allah alim concernant la sunna et concernant le suivi de la sunna et concernant le fait de donner l'importance à la sunna. Le noble cheikh, cheikh ibn Barzis rahimahullah al-Abd al-Karim, rahmatullah alayh, Allah subhanahu wa ta'ala, an yarzuqahu al-firdaws al-a'la, rapporte dans son livre cet homme, il a des petits épîtres, il nous incombe à tout salafi qui veut bien maîtriser la voie de ses pieux prédécesseurs dans l'anime de se pencher dessus. Ils sont faciles à la lecture et on y apprend beaucoup de choses. Rahmatullahi alayh. C'est un homme de science qui est mort alors qu'il n'a pas atteint l'âge de 40 ans. Rahmatullahi alayh. Et il était le président des juges, et il enseignait dans l'Institut de la formation des juges, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a. Non, il n'était pas le président des juges, mais il enseignait dans l'Institut de la formation des juges. Il rapporte, rahimahullah, dans son livre, l'obligation, l'importance de s'occuper de la sunna. Il rapporte des paroles de certains pieux prédécesseurs d'Allah alayhi. Parmi ceux-là, Darimi a cité dans le chapitre, dans son livre, dans le chapitre le suivi de la Sunna, selon Yusuf ibn Yazid, qui le rapporte de Zuhri, que Zuhri a dit, nous savons qu'ils nous ont précédés, disaient, le salut est dans le fait de se cramponner à la Sunna. Le Marwazi, dans son livre Sunna, rapporte de Hisham ibn Urwa, que Hisham ibn Urwa rapporte de son père, qui a dit, la sunna, c'est-à-dire cramponnez-vous à la sunna, car la sunna c'est la base de la religion. Ce qui veut dire, il attire l'intention sur le fait de se cramponner à la sunna, de lui donner de l'importance et de s'attacher fortement à la sunna, car la sunna c'est la religion, et la religion ne peut pas s'accomplir sans la sunna. Abu Nu'aym dans le Hilya rapporte de l'Awza'i, l'Awza'i a dit, on dit que la voix du compagnon de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis à la perfection étaient basés sur cinq choses. Le fait de rester dans le jama'a, de ne pas se marginaliser par rapport à la communauté et par rapport au groupe. Hada la première. Le deuxième, le suivi de la sunna. La troisième, ils ne dessertent pas les mosquées, ils remplissent les mosquées. La quatrième, la lecture du Coran. La cinquième, le combat sur le sentier d'Allah Azza wa Jal. Darimi rapporte dans ses sunan que l'Awza'i rapporte du Yahya ibn Abi Amr Shaybani, rahimahumullah, qui lui-même le rapporte de Abdullah ibn Daylami, qui a dit, il m'a été transmis que le début de la disparition de la religion, c'est le délaissement des sunan. La religion disparaît par la disparition d'une sunna après sunna. Hein? Comme faiblit la force de la corde. Comment il faiblit la force de la corde? La corde est tressée. Tu as une corde solide, tressée. Bah, quand il fait ses nœuds, sa force va... il va devenir un peu moins forte. Et plus tu défais les nœuds, les tresses, plus il va devenir encore plus faible. Ben, la même chose, plus la personne délaisse la sunna, plus sa religion va devenir faible. Hein? Plus il va faiblir dans sa religion. On délaisse cette sunna, cette sunna, cette sunna, etc. Khlas. Le Marwazi rapporte aussi dans son livre Sunan, d'Abdullah ibn Aoun, qui a dit, trois choses je me les agrée, ainsi qu'à mes frères. Regardez comment ils étaient dans leur conseil. Trois choses je me les agrée, ainsi qu'à mes frères. Et la première, que le sommet d'Allah après le Coran, il le lit avec méditation et il le met en application. La deuxième, qu'il cherche l'atar et la sunna et qu'il les met en application. La troisième, qu'il ne se comporte que convenablement avec les gens. Hein? Regardez ces trois nobles conseils. Hein? Lalaki rapporte dans Sharh Atiqad al-Hadith que le Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala a dit, Allah a dit soumis par le biais desquels il fait revivre le pays. Ce sont les gens de la sunna. Et on sait très bien que les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala jaillissent dans un endroit avec la bénédiction de la mise en application de sa religion. Et la religion ne peut s'accomplir qu'avec la sunna. Le Bayhaqi rapporte de la voix de Malik, rahimahullah, Kouraja lui a dit qu'Abdullah ibn Omar suivait les ordres du prophète alayhi salam, il suivait ses traces, même après la mort du prophète alayhi salam, il donnait une grande importance à cela, au point qu'ils avaient peur pour sa raison. Il allait aux endroits où il est ruiné le prophète alayhi salam, là il fait. Il y avait un arbre, et pour passer cet arbre, on était obligé de s'incliner. Quand le prophète alayhi salam passait par là, il s'inclinait. À Abdullah ibn Omar, après qu'ils ont coupé l'arbre, il s'inclinait pour passer par là. Tout ça, par amour du prophète alayhi salam, et pour son suivi. C'est pour ça qu'ils ont dit que ils ont eu peur pour lui. ومن حق السنة كذلك على المسلمين أن يحموها من البدع والمبتدعة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. حذر صلى الله عليه وسلم من البدع والابتداع في الدين قبل أن يقع، فقال صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وما ابتدعت بدعة إلا تركت سنة. حل محلها تأتي البدعة ماتت السنة، تموت السنة تحيا في يحمى في مكانها ماذا؟ البدعة. لما ابتدع المسلمون الدعاء الجماعي بعد صلاة الفريضة ترك الناس سنة الأذكار التي تقال بعد الصلاة، ولذلك ولما جلس الناس في بيوت العزاء يستقبلون الناس وأهل الميت هم الذين يصنعون الطعام، وهذا من البدع وليس من السنة. لما فعلوا ذلك تركت سنة القيام بالأعمال الصالحة التي تنفع الميت بعد موته كتسديد الدين عنه، وكذلك تركت سنة أن أهل الحي يأتون بالطعام إلى أهل الميت ليس أهل الميت الذين يهيئون الطعام. فكلما دخلت بدعة ماتت السنة. ولذلك جاءت الأدلة من الكتاب والسنة تحذر من البدع ومن المبتدعة. ففي كتاب ربنا قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والسبل التي نهانا الله أن نسلكها هي سبل أهل البدع وأهل الأهواء. وقال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما فأما الذين ابيضت وجوههم فأهل السنة والجماعة، وأما الذين اسودت وجوههم فأهل البدعة والضلالة. Et parmi les droits de la sunna sur les musulmans, c'est que les musulmans doivent protéger la sunna des innovations. Ils doivent la protéger aussi des adeptes de l'innovation. Car le messager sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit « Celui qui vivra parmi vous après moi verra beaucoup de divergences, cramponnez-vous à ma voix et à la voix du khalif bien guidé, mordez dessus avec vos molaires. » Mais il a aussi averti contre les innovations et le fait d'innover dans la religion d'Allah. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, attention aux nouveautés dans la religion, car toute nouveauté est une innovation. Et toute innovation est un égarement. Et ceci, il l'a dit alors que les innovations n'existaient pas. Mais c'est pour avertir la communauté. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a annoncé ce qui allait arriver à cette communauté comme divergence. Et sallallahu alayhi wa sallam a averti la communauté et lui a montré le chemin qu'il faut prendre pour ne pas tomber dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et n'agrée pas. Et chaque fois qu'apparaît une innovation, c'est une sunna qui va disparaître. Quand les gens ont innové le dua en groupe après les prières obligatoires, ils ont délaissé les invocations qui doivent être dites après les prières obligatoires. Et comme il dit aussi, quand les gens ont pris l'habitude de se réunir dans la maison du mort ou sur la tente devant sa maison, et ceci est pratiqué dans certains pays comme au Maroc, etc., on dresse une tente, la famille du défunt, c'est elle qui prépare à manger pour les gens. Alors que c'est le contraire qui doit être. C'est-à-dire que c'est le voisinage qui doit ramener de la nourriture à la maison du défunt. Parce que leur esprit, il est occupé, par la mort de l'un des leurs. Et ceci aussi empêche les gens d'accomplir les sunan pour le mort, par exemple de chercher à payer ses dettes, et ainsi de suite. Et donc chaque fois qu'une innovation s'immisce, c'est une pratique légiférée, une sunna qui va mourir. Les preuves dans le livre d'Allah et dans la sunna du messager sont nombreuses concernant l'avertissement contre les innovations et les innovateurs. Dans le livre d'Allah, le verset nous dit dans sa traduction approximative, « Telle est ma voie dans toute sa rectitude, suivez-la donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écarteront de la voie d'Allah. » Voilà ce qu'Allah commande pour que vous préserviez ses droits. La voie droite ici dans le verset, c'est la voie d'Allah sur laquelle était le prophète alayhi salam et ses nobles compagnons radhiyallahu anhum. Et les sentiers ici, qui nous a interdits, ce sont les sentiers de l'innovation, ce sont les voies des passions. Et dans l'autre verset, dans la traduction approximative, nous dit cela, au jour où certains visages s'illumineront et d'autres s'assombriront, Abdullah ibn Abbas a dit, ceux dont les visages seront illuminés, ce sont les gens de l'unité de la sunna. Quant à ceux dont les visages seront assombris, ce sont les gens de l'innovation et de l'égarement. Et il a dit vrai, radiallahu anhu, Allah. Il n'y a qu'à voir. Tu sors le soir, après Salat al-Isha, à côté de l'Baqi, et tu regardes l'assemblée des Shia, regarde leurs visages, comment ils sont. Et par Allah, si tu le rencontres dans une ruelle sombre, tu vas avoir peur. Hein? La bid'a est apparente. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Wa fi sunnati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, qala sallallahu alayhi wa sallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, muttafaqun alayh. Wa kana sallallahu alayhi wa sallam idha khataba ihmarrat 'aynahu wa 'ala sawtihi wa ishtadda ghadabuhu. كأنه منذر جيش يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة رواه مسلم وزاد النسائي رحمه الله وكل ضلالة في النار كنت avertissements contre l'innovation dans la sunna du messager alayhi salam, ils sont nombreux. Il dit alayhi salam, dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, celui qui invente dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, il lui sera rejeté. Il lui sera rejeté. Donc pas accepté. Et donc quand on innove dans la religion de Allah, il ne faut pas s'attendre aux récompenses, il faut s'attendre au châtiment aussi. Pour la divergence avec laquelle on a avec le messager alayhi salam. La situation n'est pas aussi simple que ça. Quand alayhi salam, il faisait ses khutbah, ses yeux deviennent rouges. Ses veines jugulaires gonflent. Sa voix s'élève. Il se met en colère comme un éclaireur d'armée. Et il dit, ceci dit, la meilleure discussion c'est le livre d'Allah. Et la meilleure voix, c'est la voix de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les choses abominables, ce sont les nouveautés dans la religion. Et toute innovation est un égarement. Nasa'i a rajouté, et tout égarement est voué au feu de l'enfer. Wa ja'atil athar an as-sahabati radiyallahu anhum, wa man ba'dahum yuhaddiluna min al-bid'ati wa min al-mubtadi'a. Fahada as-siddiq al-akbar radiyallahu anhu wa arda yaqul, innama ana متبع ولست بمبتدع. وهذا ابن عباس يقول عليكم بالاستقامة والأثر وإياكم والتبدع. رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها. ويقول ابن عمر رضي الله عنهما كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. هذا ذكره اللالكائي رحمه الله. وسمع ابن عمر رجلا انظر كيف حب السنة والوقوف عندها. سمع ابن عمر رجلا عطسا فقال الحمد لله والسلام على رسول الله. قال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، قال وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله، ولم يقول وليسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوف عند حد ما علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لا زيادة ولا نقصان. والحديث حسن رواه الترمذي والحاكم وهو في الإرواء عند الإمام الألباني رحمة الله عليه. وقال الإمام مالك رحمه الله من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. أي خان الرسالة، خيانة، يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيانة، أعوذ بالله. لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن دينا يومئذ فلن يكون اليوم دينا، ذكره صاحب الابتداء. وجاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال له من أين أحرم؟ ها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها وأتاه الرجل قال له من أين أحرم يا إمام؟ قال له من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل إني أريد أن أحرم من المسجد، أي من قرب القبر. قال له لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. قال الرجل وأي فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدها بعد الكيلومترات قد نزيدها. فقال الإمام مالك أي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني سمعت الله سبحانه وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هؤلاء عرفوا قدر أنفسهم، وعرفوا قدر هذا الدين، وعرفوا قدر هذه السنة، وعظموها رضي الله عنهم وأرضاهم. Et nous avons aussi beaucoup d'attards de nobles compagnons d'Allah alayhim et de ceux qui les ont suivis à la perfection, qui nous avertissent contre les innovations et les innovateurs. Écoutez le plus grand véridique de la communauté humaine après les prophètes et les messagers alayhim sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit radiyallahu anhu arda, je ne suis qu'un suiveur. Et je ne suis pas un innovateur. Je m'arrête là où la sunna m'a arrêté. Je m'arrête là où Allah subhanahu wa ta'ala m'a arrêté. Ceci est rapporté par Ibn Waddah. Ibn Waddah rapporte aussi que Abdullah ibn Abbas a dit demeurez dans la voie droite et suivez la trace et attention à l'innovation. Et attention à l'innovation, restez dans la voie droite. La voie droite c'est quoi? Allah a dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon la voie et la compréhension des plus prédisseurs d'Allah alayhi wa sallam. Al-Lakai rapporte d'Abdullah ibn Omar qui dit, toute innovation est un égarement, même si les gens voient qu'elle est bonne. Ah, la situation, c'est pas la raison qui doit juger. Ce qui est bon, c'est ce qui est dans la législation d'Allah, dans la parole d'Allah et dans l'authentique de la sunna. Et non pas dans ce que, ah bah c'est un bel acte, je n'ai fait que le bien. Hein? Abadan, le bien il est dans ce qui t'a été dicté par Allah et ce qui t'a été dicté par la sunna du messager, là où il y a le bien. En dehors de ça, ce ne sont que des futilités. Abdullah ibn Omar, écoutez ça, a entendu un homme éternuer et dire louange à Allah et salutations sur le messager. Pourtant l'homme il n'a rien dit de mal. Abdullah ibn Omar a dit moi je dis louange à Allah et salutations sur le messager. Mais ce n'est pas ça que le messager d'Allah nous a appris. Le messager a dit quiconque éternue et qu'il loue Allah. Quiconque éternue ne doit que dire Alhamdulillah, louer Allah tout simplement. Et il n'a pas dit qu'il salue le messager d'Allah. Hein? Khalas. Vous voyez pourquoi la suprématie, il est là. Hein? Alors que maintenant quelqu'un il fait quelque chose, mais il a fait que le bien, il ne veut que le bien. Et après, comme il a dit Abdullah ibn Mas'ud, combien de gens cherchent le bien, ils n'y arrivent pas. Parce qu'ils n'ont pas pris le chemin du bien. Et le bien, il dit, dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, et dans ce que nous a enseigné le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et dans ce qu'a transmis les nobles compagnons d'Allah alayhim. L'imam Malik a dit, celui qui innove dans l'islam, une innovation, il voit que celle-ci est bonne, il prétend que Mohammed a trahi le message. Regardez ce jugement. Il prétend que celui que le messager a trahi le message. Ah, l'ayadan billah. Et il a récité le verset, dont la traduction approximative nous dit cela. Aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion. Et il a dit, rahimahullah, et ce qui n'a pas été une religion hier, il ne le sera pas aujourd'hui. C'est-à-dire, ce qui n'a pas été une religion à l'époque de Mohammed al-Sallam, si nos compagnons, ne sera pas une religion aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as des gens devant toi, qui font le Globetrotters. Tu dis, non, on n'innove pas dans la religion, mais on innove pour la religion. La religion a besoin de votre innovation. C'est quoi ce délire? Hein? On n'innove pas dans la religion, on innove pour la religion. La religion, pour être véhiculée, a besoin de votre, de vos histoires et de vos légendes à dormir debout. L'aïdan billah. Mais ça, quand on perd sa raison, et quand on ne s'assoit pas à apprendre sa religion comme il se doit, on arrive à dire des âneries pareilles. Et ça, c'est une diarrhée mentale à l'islam. On ne peut pas l'appeler autrement. Un homme est venu voir l'imam Malik, rahimahullah, en lui disant d'où je dois rentrer dans la sacralisation. Et pour le Hajj, par l'Amra, je vais faire rentrer dans l'Ihram quand? Et où? Où? L'imam Malik lui répond de Dil Hulaifa. C'est-à-dire une dizaine de kilomètres à la sortie de Médine. D'où le messager l'a fait. C'est là où le messager l'a fait. L'homme a dit, je veux le faire de la mosquée, c'est-à-dire à côté de la tombe du prophète. L'imam Malik lui a dit, ne le fais pas, je crains pour toi la fitna. L'homme lui a dit, quelle fitna? Ce ne sont que quelques kilomètres que je rajoute. L'imam Malik a dit, c'est une énorme fitna que tu vois, que tu as devancé le messager d'Allah à un mérite qu'il a négligé. J'ai entendu Allah dire, dans la traduction approximative du sens du verset, que ceux qui s'opposent à son ordre prennent garde qu'une épreuve ne les frappe ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Ceux-là, ils savent s'arrêter. Ceux-là, ils ont compris pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son messager. Et où il est le chemin qui va te permettre de passer sur le pont Sirat qui sera dressé sur Jahannam. C'est de prendre ce Sirat ici, cette voie-là, qui est la voie Allah a dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon la compréhension et la voie des nobles compagnons, de ceux qui les suivent à la perfection. Radiallahu anhum wa ardhahum. قال الشيخ ابن برجس رحمه الله في رسالته الصغيرة صغيرة الحجم العظيمة النفع هذا الاهتمام بالسنن ضرورة الاهتمام بالسنة قال وما تحافظ المسلم على السنة محافظته على الطعام والشراب الذي يقوم به قوام البدن أو أشد غمرته الفوائد الدينية والدنيوية كما قال ابن قدامة في دم الموسوسين قال رحمه الله وفي اتباع السنة بركة موافقة الشرع ورضا الرب سبحانه وتعالى ورفع الدرجات وراحة القلب ودعة البدن وترغيم الشيطان وسلوك الصراط المستقيم انتهى كلام ابن قدامة الذي نقله عنه ابن برجس رحمه الله وقال ابن برجس وقد أجاد من قال في فضل العمل بالسنة اعلم أن مفتاح السعادة في اتباع السنة والاقتداء برسول الله في جميع مصادره وموارده وحركاته وسكناته حتى في هيئة أكله وقيامه ونومه وكلامه لست أقول ذلك في آدابه في العبادات فقط لأنه لا وجه لإهمال السنن الواردة في غيرها بل ذلك في جميع أمور العادات فبه الاتباع المطلق كما قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهل بعد ذلك يليق بعاقل أن يتساهل في امتثال السنة فيقول هذا من قبيل العادات فلا معنى للاتباع فيه؟ فإن ذلك يغلق عنه بابا عظيما من أبواب السعادة. وعلق ابن برجس على هذا الكلام بقوله: وهذا دأب السلف رضي الله عنهم، كما قال القاضي عياض في الشفاء. وهذه قال القاضي عياض في الشفاء وهذه سيرة السلف حتى في المباحات وشهوات النفس. وقد قال أنس حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة: فما زلت أحب الدباء من يومئذ. وهذا الحسن بن علي وعبد الله بن عباس وابن جعفر رضي الله عنهم أتوا سلمى رضي الله عنها وسألوها أن تضع لهم طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر يلبس النعال السبتية، هذه الصندرات ديال السيوف، ويصبغ بالصفرة إذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يقول ابن برجس رحمه الله: فلو أن كل فرد من أبناء هذه الأمة نشأ وبين عينيه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منها آدابه وأخلاقه وحركته وسكونه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لنشأ جيل إيمانه كالجبال يقذف الرعب في قلوب أعدائنا على مسيرة شهر، وينهض بالأمة إلى أعلى ما تصب إليه من السعادة والسيادة. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. إيه شيخ ابن برزيز رحمه الله dans sa petite rissala dont le volume est petit mais qui est une grande dans le contenu, il a dit رحمه الله: quand le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala préservera la sunna comme il s'occupe de préserver la nourriture et la boisson qui lui permettent de maintenir le maintien de, qui lui permettent le maintien de son corps, ou il la préserve plus que ça, il sera comblé de beaucoup d'effets bénéfiques dans ce bas monde et dans sa religion. Et il a cité les paroles d'Ibn Qudam rahimahullah qui a dit: dans le suivi de la sunna, il y a la bénédiction de la conformité avec la législation et l'agrément du souverain. Et il y a l'élévation en degré. Et il y a aussi l'apaisement du cœur et le repos du corps et l'écrasement du shaitan et le fait d'être sur la voie droite. Fin des paroles d'Ibn Qudam, rahimahullah, dans sa risale Dhamm al-Muwaswasin. Ibn Burjis a dit, rahimahullah, il s'est bien exprimé. Celui qui a dit cela, il s'est bien exprimé concernant les mérites de la sunna. Celui qui a dit: sache que la clé du bonheur est dans le suivi de la sunna et dans le fait de prendre comme modèle le messager sallallahu alayhi wa sallam dans toutes ses situations, dans ses mouvements, dans sa nourriture, dans son mari, dans sa parole. Je ne dis pas qu'il faut se limiter à le suivre seulement dans son comportement, dans les adorations, car il ne faut pas négliger sa voix dans toutes ses habitudes. Il faut lui vouer un suivi absolu. Car le verset dans la traduction approximative dit cela: si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah vous aimera et pardonnera vos péchés. Et dans l'autre verset dans la traduction nous dit: ce que le messager vous donne, prenez, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Est-ce qu'après cela, il y a quelqu'un doué de raison qui soit laxiste dans sa conformité avec la sunna du messager alayhi salatu wasalam, en disant: ce n'est que du domaine de l'habitude? Il dit, rahimahullah, son suivi ne veut rien dire dans ces cas-là, car ceci va lui fermer une géante porte parmi les portes du bonheur. Ibn Barjis a commenté ces paroles en disant: ça, c'est la voix des salafs, كم لدي القاضي عياد دون شفاء القاضي عياد دي إسا سلف ودي سلف دون السوفي دي مساج عليه الصلاة والسلام même dans les désirs personnels. Anas, quand il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam chercher la courgette dans le plat, il a dit depuis ce jour-là, j'ai aimé la courgette. Abdullah ibn Abbas, ainsi que Hassan ibn Ali, ibn Ja'far, que Allah subhanahu wa ta'ala les agresse tous, un jour se sont réunis, sont allés tous voir Salama. Voir Salama, et lui ont demandé de leur servir un plat que le messager d'Allah aimait bien. Hein? Ils ne vont pas demander n'importe quel plat. Là, on veut le plat que le prophète sert à la prophète alayhi sallam et qu'elle aime bien. Abdullah ibn Omar mettait les sandales septia, ce sont des sandales, c'est, on les attache avec des lacets, en cuir ou là, peu importe. Donc Abdullah ibn Omar mettait les sandales septia, et se teignait la barbe et les cheveux avec du jaune. Pourquoi? Car il a vu le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le faire. Et là, il y a des paroles de Ibn Barjé qui vous concernent, vous, les éducateurs de cette mosquée. Hein? Vous devez faire très attention à tout éducateur qui a la responsabilité d'éduquer les enfants, d'éduquer les jeunes. Écoutez bien ce que dit Ibn Barjé. Vous sera très utile et vous sera bénéfique dans ce bas monde et dans le-delà. Le Barjis a dit, c'est chaque individu parmi la jeunesse de la communauté grandit en ayant devant ses yeux la biographie du messager alayhi salatu wassalam, où il puise son comportement, ses mouvements et tout ce qu'il peut, nous allons avoir une génération dont la foi va être équivalente aux chaînes de montagnes. Une jeunesse qui effrayera les ennemis d'Allah à une distance d'un mois de marche, une jeunesse qui élèvera la communauté vers les hauts degrés du bonheur et de la suprématie. Et il a cité le verset dans la traduction approximative, nous dit cela, Allah fait triompher ceux qui soutiennent sa religion, Allah est fort et puissant. Vous voyez, cette responsabilité que vous avez, cette jeunesse que vous voyez, cette centaine d'enfants que vous avez entre les mains, vous avez la responsabilité. Il faut les éduquer sur la sunna du prophète, alayhi sallatu wassalam. Il faut leur inculquer l'amour de Muhammad, alayhi sallatu wassalam. L'amour de ses compagnons, l'amour de ses paroles, l'amour de ses actes, pour faire naître et faire apparaître dans cette communauté une génération qui va élever très haut l'étendard de l'islam et de la sunna, et qui parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, fera triompher cette communauté. Et là, c'est une énorme responsabilité, mais de laquelle découle beaucoup de récompenses, dans ce bas monde et dans le-delà. C'est pour ça qu'il ne faut pas passer devant cette occasion que Allah subhanahu wa ta'ala vous donne. C'est une occasion en or. Certains voudraient l'acheter avec 10 milliards, ils ne pourront pas. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala donne le bien à qui il veut. C'est lui qui fait le choix. Mais à nous de reconnaître les bienfaits avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés. Wa qala rahimahullah ay Sheikh Ibn Barzis wa hada wal iltizam bis sunnati mar wa fa'id la tuhsa. Dakara minha fi risalati sab'a fawaid rahimahullah. الفائدة الأولى الوصول إلى درجة المحبة محبة الله عز وجل لعبده. وتعلمون حديث البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا الحديث العظيم دليل على أن النوافل سبب من الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى للعبد، وبيان ما يترتب على هذه المحبة من الخصال الحميدة بأن يوفق الله سبحانه وتعالى جوارح الإنسان أن لا يستعملها إلا في الخير. وهناك خصلة أخرى تترتب لمن حصلت له هذه المحبة، هي ما جاء في حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وهذا لفظ البخاري. أما الفائدة الثانية، المحافظة على النوافل تجبر الفرائض. حديث عند أبي داود أن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، هذا إذا كانوا موحدين، من أعمالهم الصلاة. يقول ربنا عز وجل لملائكته: وأعلم، وهو أعلم، انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي، أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. وقال رحمه الله: ومما لا ريب فيه أن الإتيان بالفرائض كما أراد الله متعبر على أكثر الناس، فلا يليق بعاقل بعد هذا أن يزهد فيما يتمم فرضه ويدنيه من رضا ربه سبحانه وتعالى، وينفعه يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم القيامة. الفائدة الثالثة للمتمسك بالسنة فضل كبير، ويزداد فضله رفعة كلما كان الزمن زمن إعراض عن السنة وإيذاء لمن تمسك بها. روى المروزي في السنة عن إبراهيم بن عبلة عن عتبة بن غزوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر. وش أيام تصبر؟ أبدا، لكن أيام عليكم أن تصبروا فيها. إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. ولذا إخوة الإسلام يجب علينا أن نصبر على السنة ونتواصى على العمل بها والتمسك بها، فالأمور تقع كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ها، انظر كيف الناس تنفر من السنة، كيف يرمزون من المتمسكين بالسنة. فالصبر معه أجر عظيم عند الله. لماذا للمتمسك بالسنة في آخر الزمن له أجر 50 صحابي؟ لن يكون مثل صحابي أبدا، لكن يكون له أجر مثل صحابي، مثل 50 صحابي، لأن أولئك الصحب الكرام كانوا يجدون من يعينهم على السنة وعلى التمسك بها والعمل بها. وفي آخر الزمن الناس لا تجد من يعينها على السنة، ولذلك كان ذلك الأجر، فهو أجر عظيم، فلا بد من الصبر والتمسك عليها. الفائدة الرابعة أن في العمل بالسنة عصمة من الوقوع في البدع، تتمسك بالسنة لن تقع في البدع. خامسا، الفائدة الخامسة أن الحرص على القيام بالسنن من تعظيم شعائر الله. عندما تقوم بسنة أنت تعظم شعائر الله عز وجل. سادسا، الفائدة السادسة أن للعامل بالسنة مثل أجر من تبعه، لا ينقص من أجرهم شيئا. والفائدة السابعة، وفي الالتزام بالسنة أمن من الافتراق. السنة تجمع ولا تفرق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والبدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة، ذكره في الاستقامة. وفي وصية أبي العالية قال: وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. فقال الحسن البصري رحمه الله: صدق ونصح، أي صدق أبو العالية رحمه الله تعالى، ونصح وكان ناصحا. فإن الله سبحانه وتعالى سكرمبوني على سنة prodigue beaucoup d'effets bénéfiques aux croyants. Ibn Barjis, on a cité 7 dans sa risala, l'importance, l'obligation de s'occuper de la sunna et de lui donner son importance. La première, le premier bienfait que prodigue la sunna, c'est l'amour d'Allah. La personne est aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Vous connaissez le hadith d'Abu Hurayra radiallahu anhu Allah, où le messager d'Allah a dit, Allah a dit dans cette traduction approximative de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il a dit, je déclare la guerre à quiconque se montre hostile envers l'un de mes alliés. Rien de ce qui m'est plus cher qui rapproche de moi mon serviteur que l'accomplissement des obligations que je lui ai imposées. Mon serviteur ne cessera de se rapprocher de moi par les œuvres surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et une fois que je l'aime, avec son oui, il n'entendra que le bien. Avec sa vue, il ne verra que le bien. Avec ses pieds, il ne marchera que vers le bien. S'il me sollicite, je lui accorde ce qu'il me demande. Et s'il cherche ma protection, je le protège. Il hadith chez l'imam Bukhari, rahimahullah. Alors regardez, la sunna, ce qu'il prévoit à la personne, celle qui est négligée par lui, il lui prévoit d'avoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce noble hadith prouve que le surrogatoire sont une des causes qui prévoit au sommet Allah subhanahu wa ta'ala d'être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous clarifie des effets bénéfiques de cet amour. Le fait, c'est pas de prétendre que toi tu aimes Allah. Est-ce que Allah t'aime? Hada. Mais ça, il n'a qu'un baromètre. Dites si vous aimez Allah, suivez-moi Allah subhanahu wa ta'ala, il vous aime. Donc il faut regarder où on est par rapport à la sunna du prophète pour savoir si on est aimé par Allah ou là où il l'est pas. Hein? D'où l'importance de ne pas négliger les sunnans. Hein? Et il y a aussi un autre grand bienfait qu'obtient celui qu'Allah aime dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari, l'imam Muslim, le hadith d'Abu Hurayra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque Allah aime un de ses serviteurs, il appelle Jibril. Il lui dit, Allah aime tel, aime-le. Jibril l'aimera. Puis, Jibril proclamera parmi les habitants des cieux, Allah aime tel, aimez-le. Les habitants des cieux l'aimeront à leur tour. Puis le consentement des gens lui sera acquis sur terre. Ceci est l'expression du hadith chez Imam Bukhari, rahimahullah. Hein? Et ce qu'a annoncé le prophète, alayhi wa sallam, est véridique. Il n'a jamais parlé sur l'effet des passions, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Et la deuxième point bénéfique dans la sunna, le fait de préserver le surrogatoire, cela va combler les lacunes que la personne a eues dans les obligations durant sa vie, le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection, ikhlas. Ni ta femme, ni ta fortune, ni tes villas, ni tout ce que tu as, ne va te servir à rien. Il va te servir, est-ce qu'il y a t'accompli les choses comme Allah subhanahu wa ta'ala veut, t'as dit sunan pour combler les lacunes et les erreurs que tu as eues dans tes obligations ou pas. Bah dans le hadith authentique rapporté par Abu Daoud, hein, quand les gens sont monothéistes, la première œuvre sur laquelle il y aura les comptes le jour de la résurrection, c'est la prière. Le souverain dit aux anges, alors qu'il sait tout subhanahu wa ta'ala, il dit aux anges, regardez la prière de mon soumis. Est-ce qu'elle est complète ou pas? Est-ce qu'elle est complète ou pas? S'il est complète, il lui sera inscrit ainsi. Et s'il ne l'est pas, Allah dit aux anges, regardez si mon soumis a des surrogatoires. Hein? Et regarde combien de gens autour de nous négligent les surrogatoires de la prière. Hein? Et c'est ces surrogatoires qui vont combler les erreurs et les trous et les lacunes qu'il y a dans les obligations le jour de la résurrection. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, il complétait lui avec sa prière et il sera ainsi pour toutes les œuvres. C'est comme ça que ça va être. Prendra les surrogatoires du jeûne, on complétera les lacunes qu'il y a dedans et ainsi de suite. Hein? Ibn Barjis a dit, rahimahullah, il n'y a aucun doute que l'accomplissement des obligations n'est pas possible pour beaucoup de gens. Donc il ne sied pas à tout doué de raison de négliger ce qui va compléter ses obligations le jour de la résurrection et le rapprocher de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez ce qu'a dit le prophète alayhi sallam. En parlant de la prière, il y a des gens qui vont sortir de la prière, ils n'auront que le dixième. D'autres ne vont avoir que le neuvième de leur prière. D'autres que le huitième, d'autres que le septième, d'autres que le sixième, d'autres que le cinquième, d'autres que le quart, d'autres que le tiers, et on commence à être parmi les meilleurs. Et d'autres, c'est la moitié, il s'est arrêté là. Hein? Ben, c'est pour ça que les sérogatoires, il ne faut pas les négliger. Et la troisième bienfait pour celui qui se cramponne à la sunna du messager alayhi salatu wassalam et qui va augmenter le mérite de celui-ci et l'élèvera, c'est le fait de l'élèvera au moment des difficultés, il apaisera. C'est l'accomplissement de la sunna au moment où les gens donnent le dos à la sunna. Durant lequel ce moment difficile pour les gens de la sunna où ils sont maltraités, ils sont dénigrés, ils sont rejetés, le prix qui va en découler est énorme. Le prix qui va découler du fait de se cramponner à la sunna est énorme. Le Marwazi rapporte dans Sunna de Ibrahim ibn Abla, qui le rapporte de Utba ibn Urzwan, que le messager a dit, vous avez devant vous des jours de patience. Les jours patientes? Eh ben, mais cela veut dire, vous avez devant vous des jours où vous devez patienter. Vous devez patienter. Et comme il a dit, alayhi salam, arrivera un temps où la personne, quand il s'accroche à sa religion, c'est comme il a une braise de feu dans la main. Tu peux fermer ta main avec la braise? Donc tu es obligé de jongler avec. Et donc il a dit, vous avez devant vous des jours de patience. Celui qui se cramponnera sur la voie sur laquelle vous êtes, en parlant en compagnon, aura la récompense de 50 hommes comme vous, c'est-à-dire comme les compagnons. Les compagnons ont dit au prophète d'Allah, comme eux, il a dit non, comme vous les compagnons. Donc il en découle au moment des difficultés, au moment où la sunna est marginale, la récompense de, le fait de se cramponner à la sunna, la récompense de 50 sahabes, 50 compagnons. Mais bien sûr, la personne n'arrive pas à la poussière qui tombe de la cheville d'un sahabi, abadan. Mais, pourquoi cette énorme récompense? Le prophète l'a expliqué, en disant, vous avez des auxiliaires qui vous aident, ils n'en ont pas. Et on voit maintenant les gens de la sunna, comment ils sont maltraités, comment on les rejette, comment on les marginalise, comment on les pointe des doigts, et ainsi de suite. Mais ça a une grande valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala si on se cramponne à la sunna. C'est ce qui fera notre élévation auprès d'Allah. C'est ce qui va nous permettre d'avoir une grande satisfaction d'Allah et cette récompense immense annoncée par Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et le quatrième point bénéfique, le fait de mettre en application la sunna, c'est que la personne est protégée de l'innovation. Il met en application la sunna, il est loin, cela va lui faire éviter, le fait de tomber dans l'innovation ou d'accomplir une innovation. Le cinquième bienfait, c'est donner l'importance à la religion d'Allah. En s'occupant de la sunna, ça veut dire que la personne donne l'importance que mérite la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le sixième point, celui qui met en application la sunna aura la même récompense que ceux qui le suivent sur cette sunna sans diminuer de leur récompense. Tu apprends à une personne une sunna que les gens ont négligée, et qu'ils ne connaissent pas. Regarde maintenant le livre de la prière du prophète عليه الصلاة والسلام, Cheikh Al-Albani رحمة الله عليه. Il a apparu à peu près à partir des années 70, on a commencé à le voir dans les mains. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un changement, a commencé à avoir un changement dans la prière des gens. Et à se rapprocher des sunan qu'ils ne connaissaient pas. Hein? Regarde, khutbat al-haja, le discours d'introduction avec lequel Rasoul sallallahu alayhi wa sallam commençait les jumu'ah et les assises et les exhortations. Il était dans une oubliette, dans Dahiriya. L'imam al-Albani l'a sorti, hein, de cette poussière, hein, et de celui des décombres là-bas, dans les lits, et il l'a refait revivre. Imagine-toi combien de monde, demain, le vendredi, combien de monde vont monter sur le manbar, ils vont réciter ce khutbat al-haja. Durant toute l'année, depuis qu'il l'a refait revivre jusqu'à maintenant, combien de hasanat lui arrivent alors qu'il est mort depuis presque 30 ans maintenant? Hein? Imaginez un petit peu. Voilà. Donc quand on oriente les gens, et cela aussi doit vous éclairer, vous avez l'éducation de ces enfants, de les faire inculquer cette sunna, et qu'ils ne sortent pas de votre lieu d'enseignement, avant d'être rempli de la sunna et des croyances pour qu'ils soient protégés dehors et pour qu'ils soient des influents aussi sur les autres. Hein? Et ça, c'est la récompense, tu vois, hein? Des choses que tu as enseigné à cet enfant, qu'il a enseigné à sa mère, qu'il a enseigné à ses camarades de classe, etc. Et tes récompenses augmentent. Et le dernier bienfait qu'il a cité, rahimahullah, qui est le septième, dans le fait de se cramponner à la sunna et à la sécurité, pour ne pas tomber dans la division. La sunna unie. Parce que c'est la parole du prophète, ce sont les actes du prophète. Et tout ce qui est en dehors de la sunna n'a pas l'unanimité des gens. Cheikh l'Islam a dit dans le siqama, l'innovation est accompagnée par la division. Et la sunna est la compagne de l'unité. Elle est inséparable avec l'unité. Hein? Et dans le conseil d'Abu al-Aliya, Rahimahullah, qui a dit attention à ces passions qui font germer entre les gens l'animosité et la haine. Qui font germer l'animosité et la haine. Hassan al-Basri, en entendant cette parole de Abu al-Aliya, il a dit, il a conseillé et il a dit vrai. Rahimahumullah jami'an. Fasallah al-Azim, Rabbul Arsh al-Azim, ni'asimana wa iyyakum. Min al-fitan. ما ظهر منها وما بطن وانجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا